attendant le chier. Le retard, on avance en évitant le pire. Yeah. Très simple. Seul dans mon tête, mais pas seul quand on s'aime. Envoie le son. Et tant pis si t'es pas ton. C'est bel et qui tu sais que le mic faut que je le passe ton. Ça sent le braquage, prêt pour le carnage. On a tellement la tasse qu'on pourrait bouffer le carrelage. Carnage qu'on a fait que c'est maintenant ou jamais. Et au fond de moi, je suis sûr que ça peut se faire. Donc toute ma volonté, je la mets. Afin de briller autant que les étoiles qui brillent dans l'atmosphère. Faut dire bravo, ce que tu fais, c'est excellent. Pas fan des va bravo, mais le succès on sait que c'est là. J'suis pas un mec du Bronx, moi j'suis un mec de Tizi. Dans la vie faut être soi-même, alors Tizi. J'crache ma voix et t'envoie la bombe lyrical. La haine depuis qu'on m'a coupé le cordon ombilical. Et dans n'importe quel cas, on veut se faire un nom et menacer le monde comme l'a fait Khaled Kelkal. Dire qu'on a trop faim, qu'on a trop d'énergie. J'veux gagner ma vie dans le rap. Ma vie dans le rap, comme mes frères dans le rap, comme mes frères dans le rap. Et plus jamais gratter du boulot à synergie. J'ai Malcolm. Un frère qui crie famine, mais je veux pas finir crippé de balle à la Malcolm. Et je milite, et je sais à qui je dois m'adresser. T'inquiète, au mic, j'serai toujours là pour agresser. Pour dire qu'il y a toujours autant de putes adressées. Malgré ces turpitudes, on reste les mêmes hommes qui fréquentent les mêmes zones. Besoin des mêmes sommes, car y'a que le fric qui peut nous engraisser. Tout ce qu'il y a de bon, on veut se l'accaparer. On est venu pour se venger. Beretta, c'est trop danger. D'ici jusqu'à Tanger. Et aussi halak qu'un concert de rail dans un cabaret. Peu de barrage dans nos textes, plus la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. En attendant le chier, on fait les choses en évitant le pire. Et ouais, mon pote, faut qu'on s'explique. Perlesta, c'est la base. Beretta, c'est la balle. C'est la race. Tout ce qui manque, c'est la liasse. Peu de barrage dans nos textes, plus la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. Mon rap sale, c'est vide dans la zone sud. Faut pas que tu t'aises, vivant de justesse. Population que la patte déteste. Oubliez pas le code civil, goûte la claque des pêches. J'sillonne la ville comme un civil, faut qu'on fasse des cesses. Et le contraste est sec. Nous on se voit foutre le seum dans les subs. Toi ton style il sent le seum. Ambassadeur Matador, flow style Claudie Matador. Pas vraiment le style à passer dans les clubs. On dit que c'est pour les clubs, génération 4-4. Souvent sur la chante, j'rêve de prendre la vie à 4 pattes. Du coup ça se 4-4. Le son des squats frappe, vu que ça sent le brac-brac. J'rappe sans les projecteurs, putain de projectile. Paraît que c'est trop sectaire, qu'est-ce que ça peut foutre quand ça tombe dans les gros secteurs. Va leur dire qu'on a les crocs, on fait pas les masques, plat les crocs. Donc faites pas les masques. Peu de barrage dans nos textes, plus la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. En attendant le chier, on fait les choses en évitant le pire. Et ouais mon pote, faut qu'on s'explique. Perlesta, c'est la base. Beretta, c'est la balle. C'est la race. Tout ce qui manque, c'est la liasse. Peu de barrage dans nos textes, plus la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. Barrage dans nos textes, plus la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. En attendant le chier, on fait les choses en évitant le pire. Et ouais mon pote, faut qu'on s'explique. Perlesta, c'est la base. Beretta, c'est la balle. C'est la race. Tout ce qui manque, c'est la liasse. Peu de barrage dans nos textes, plus la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. Peu de barrage dans nos textes, plus la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. En attendant le chier, on fait les choses en évitant le pire. Et ouais mon pote, faut qu'on s'explique. Perlesta, c'est la base. Beretta, c'est la balle. C'est la race. Tout ce qui manque, c'est la liasse. Peu de barrage dans nos textes, plus la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. En attendant le chier, Beretta, on est là mon frère. Yeah.